Chapitre 21. Ainsi que l'avait projeté Job, ils partirent tous trois pour la mer. Louaient une petite habitation sur une plage peu fréquentée au bord de l'océan. Chaque jour, le vieux maître arrachait Henri à son morne abattement pour lui faire de longues courses sur les falaises. On emportait une boîte et un chevalet de campagne, mais le jeune homme ne voulait plus toucher un pinceau. Il regardait sans voir le sillage écumeux des navires et les petites voiles blanches ponctuant l'horizon comme des ailes de mouette. Sa tristesse devenait plus grande au déclin du jour. Il sentait la fièvre le saisir. La nuit, des rêves affreux le faisaient sursauter dans son lit. Il poussait des cris, articulait des mots sans suite et se dressait raide et blême avec les yeux d'un fou. Il voyait là-bas, dans l'atelier sombre, sous les mâts râlant sous l'étreinte d'un homme. Après ces crises, il tombait dans une invincible torpeur. La jeune femme ne le quittait jamais, caressant sans cesse sa tête pâlie et épiant sur son visage une lueur de la tendresse d'autrefois. Mais au contact de sa petite main ou des lèvres douces, Henri frémissait et se rejetait en arrière. Toute l'amertume de son âme remontait à son visage et lui donnait une telle expression de répugnance que la petite se sentait comme écrasée sous le mépris. Elle pleurait. Ce n'était plus la Syrienne à l'œil ardent, aux lèvres pourpres. Ses yeux étaient creusés et sa bouche décolorée. Lui comprenait tout ce qu'elle souffrait. Il essayait de réagir contre sa répulsion, mais en vain. Le doute se dressait entre eux chaque fois qu'il s'approchait d'elle. L'air de la mer n'amena aucune amélioration dans l'état de Henri. Un docteur déclara même que cet air trop vif le surexcitait et faisait craindre une inflammation des méninges. L'automne était arrivé. On résolut de changer de séjour. Job pensa emmener son élève à Chavernay, mais il aurait fallu se séparer de Souléma et aucun des deux jeunes gens n'y aurait consenti. On gagna Pau pour y passer l'hiver. Sous ce climat, les chagrins d'Henri semblèrent s'adoucir. Le noir de son cerveau s'éclaira un peu, mais le cœur empira. C'étaient des battements précipités, puis des arrêts subis, qui donnaient au jeune homme la sensation de la mort. Cependant, il s'était repris à travailler et brossait des vues du Gave et du vieux castel des rois de Navarre. Vers le mois de janvier, Souléma mit au monde un fils. Elle l'appela Henri. Quand elle se présenta devant le jeune homme avec son enfant dans ses bras, elle crut que la vue de ce petit être produirait une réaction heureuse dans l'esprit de son père. Il n'en fut rien. Henri détourna la tête et le repoussa de la main. Le doute, toujours le doute. Il se demandait si cet enfant, au lieu d'être à lui, n'était point le vivant témoignage de la faute de sa maîtresse. Ce fut un moment cruel pour Souléima. Ne voulant pas perdre toutes ses espérances, elle compta sur le temps pour faire éclater la voix du sang. Elle se trompait. L'état de Henri empira. Les crises devinrent plus fréquentes. Le médecin confia à Job que la suprême secousse pouvait se produire dans un jour très prochain. Un nom revenait sans cesse, la nuit, dans les rêves du jeune homme, celui de Marthe. Le vieux maître se demanda s'il n'y avait pas là une dernière chance. Après avoir consulté la fille de Hakem, il écrivit à Madame Mermex pour lui demander si elle ne pourrait pas venir adoucir un instant les dernières heures de son amie.